mauvaise nouvelle. Faut que je me cramponne, jamais ça m'aurait effleuré. Imaginez 3 secondes sans pouvoir te toucher. Même étant loin de moi, j'entendais ta voix me dire en lingala, Tikako Sakana. Mon qui les a jetés, la vie n'est pas un jeu. Ceux qui pensent le contraire, pour eux c'est malheureux. Si j'avais pu prédire un bout de l'avenir, j'aurais sans cesse écouté sans jamais rien dire. Malheureusement, je n'étais qu'un enfant et en ce temps un jeune délinquant. Je t'aime et mon je t'aime et sans nuance. Métaphore de rien, mais celui qu'emploie rien que le saint des saints. Le saint des saints. C'est étonnant, j'envoie le présent, mais cependant l'amour change pas de temps. Maman, si tu m'avais pas quitté pour l'au-delà, j'aurais voulu te dire ne me quitte pas. Ça n'arrive qu'aux autres, mais quand les autres deviennent vous, c'est autre chose. J'ai réfléchi pendant plusieurs nuits aux défauts de la vie, au fait que la mort, elle ne donne aucun sursis. Ma sœur n'avait que 2 ans, n'était-elle pas une simple innocence? Mais l'innocence pour la mort n'a aucun sens. Bref, retournons dans mon fief. Ces lyriques sont une messe remplie de sagesse pour mes 10 soldats. Voici un message personnel. Faites confiance à l'instinct maternel. Ne déconne point, prends soin de ta mère. Si elle est sans conjoint, à toi de jouer le rôle de père. Car on est poussière et fini en poussière. Nul ne sait le jour où il rejoindra Dieu le Père. Maman, si tu m'avais pas quitté pour l'au-delà, j'aurais voulu te dire ne me quitte pas.